Je suis Barry, j'ai nagé, rien n'a carré, je suis bien chalé. Je suis bien Barry, rien n'a chié, rien n'a carré. Mais tu vas t'entendre. Oh,